chaînes qui font du bruit là. Attends, je les enlève. Yeah. Je suis arrivé du bled à 6 piges, là où tous les enfants ne parlent que de rêve. Moi je devais prouver que j'étais pas un extraterrestre, que je savais parler français, que j'avais une chambre, un lit, des jeux, que je regardais les mêmes dessins animés que. Puis j'ai une maladie rare, à vrai dire je comprenais à peine pourquoi si jeune je devais prouver à la vie que je tenais à elle. Ensuite j'arrive au 4000, la Courneuve ou à la ville. J'ai dû prouver à mes nouveaux amis que j'étais pas fragile, que j'ai déjà vu l'épisode où Goku se pétant en Super Saiyan 4, que je pouvais faire 50 jongles d'affilée comme Anelka. Au quartier pour le pire, ma première bagarre pour prouver que je suis pas une baltringue sans même savoir ce que baltringue voulait dire. Au collège j'étais introverti, mais aimais des refs, donc j'étais obligé de leur prouver que moi aussi je pouvais serrer des meufs. Et aux meufs je devais prouver que j'étais pas le dernier de la bande, que je pouvais sortir tard, que j'avais déjà embrassé avec la langue. 18 piges, j'avais du buzz au lycée, Dinos Punchlinovich, Capsule Corp, même les profs connaissaient. Devant le quartier, le trafic, 3 ans de studio parce que je m'étais juré que mon premier album serait un putain de classique. Et manier pour prouver à ma mère que j'avais la foi. Je l'ai perdu en faisant ta city, mais bon, elle reviendra. Je fais stamina pour être platine, et ça c'est vu. Le disque platine est toujours dans le papier bulle. Aujourd'hui je suis un peu star, le serveur m'a reconnu, donc je lui donne un pourboire pour prouver que je suis pas un crevard. Il me voit comme un héros, j'aurais pu faire autre chose avec ce 20 euros, mais tant mieux si je le rends heureux. Souvent je me suis pétard pour prouver que je suis un homme. Je lui dis rarement que je l'aime pour prouver que je suis un homme. Dehors il fait froid mais je me sens bien, parce que pour la première fois de ma vie, je vais rien prouver à personne. Yeah. J'ai pris le mauvais train. Comme beaucoup de gens, j'ai fait l'erreur de penser que pour être respecté, il faut être craint. J'oublie toujours quelqu'un dans les dédicaces. Fatigué de Paris, je roule avec des amandes en dessous des essuie-glaces. J'suis comme Red One à l'époque Wu-Tang. Sous le lit, y'a quelques liasses collées au croque-mitaine. Le shit dépasse le riff, l'amour dépasse le risque. La vie réelle dépasse les rêves, mes mises à plat dépassent mes mix. Le quartier est rempli d'herbe, ça le rend bucolique. L'école buissonnière, les huissiers, les pattes buitonnées. Tu t'oublies, l'ego te fait du mal, sans ça tu domines. J'connais la fin du film, Tony tu manies, sans ça tu Tony. On meurt aussi quand la police y met, les murs ont des oreilles. Tous les secrets sont de polychinelle, j'ai le blues dans le tunnel. Mon cœur s'effrite comme du polystyrène, la scène n'a pas de sirène. Il pleut, mais sur ce petit ciel, j'mettrai du bleu, de méthylène. Y'aura sûrement des traites parmi nos gens. Y'aura sûrement de la neige vers mi-novembre. Plus rien à faire couler hormis le sang. Plus rien à prouver à part mon innocence. Enlève les erreurs, remets le temps. Enlève la pluie, remets le vent. Enlève la forme, remets le sens. Enlève le piano, remets le sample.